Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le jour où l'Amérique découvre que derrière les murs d'une maisonnette rose peut se cacher l'horreur. C'est l'histoire de Didi Blanchard et de sa fille Gypsy Rose, qu'elle prétendait gravement malade. Ainsi, pendant 20 ans, elle l'a gavée de cachets, l'a clouée sur un fauteuil roulant alors qu'elle pouvait marcher, et a menti à tous les médecins sur son chemin. Didi est même allé jusqu'à faire poser sa fille une sonde pour l'alimenter. Tout cela n'était jamais trop pour profiter de la charité des associations américaines attendries par l'histoire de cette maman célibataire et de sa fille aux multiples maladies incurables. En 2005, une association construit même gratuitement une maison pour Didi et Gypsy après qu'elles ont fui l'ouragan Katrina en Louisiane. Les médias se pressent à la porte de leur petit pavillon rose pour recueillir le témoignage attendrissant de cet enfant fan de Disney. Coupée du monde, infantilisée, sous l'emprise d'une mère violente, Gypsy Rose n'avait qu'une seule issue, assassiner sa tortionnaire, avec l'aide en l'occurrence de son petit ami rencontré sur Internet, Nicholas Godjohn, ce qui fut fait le 16 juin 2015. Les États-Unis mesurent alors l'étendue des dégâts engendrés par ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen par procuration, dénomination étrange sur laquelle nous reviendrons bien sûr avec notre invitée aujourd'hui, Hélène Romano, psychologue et docteur en psychopathologie. Elle nous attend à Lyon. Affaires Sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct. Récit documentaire, Constance Villanova. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay. Fabrice Drouel. Affaires Sensibles. Sur France Inter. Le 14 juin 2015, un après-midi dans la banlieue pavillonnaire de Springfield, État du Missouri. Le béton de la rue Volunteer Way dégage une chaleur écrasante. Les habitants de ce quartier pavillonnaire se sont réfugiés chez eux, climat fond. Au numéro 2103. Se trouve le cocon de Claudine Blanchard, surnommée Didi, 48 ans, et de sa fille, Gypsy Rose, âgée d'une vingtaine d'années. La mère a les cheveux frisés qui forment un halo gris autour de son visage rond, aux pommettes rouges et brillantes. La fille a le crâne rasé, souvent recouvert d'une casquette enfantine ou d'un bandeau de couleur. Des lunettes au vert épais lui dévorent les joues. Portant de grandes robes à nœuds un peu tartes, elle sourit en permanence, laissant apparaître une dentition catastrophique. Gypsy, elle, a la voix si aiguë qu'on croirait entendre un personnage de dessin animé. Elle doit mesurer dans les 1m50, rien de bien certain d'ailleurs sur ce point, puisqu'elle est tout le temps assise. Clouée à un fauteuil roulant, oui, depuis l'enfance, la gamine, qui a l'âge mental d'une fille de 7 ans, comme le répète sa mère, souffre de tous les maux. Asthme, épilepsie, leucémie, d'innombrables allergies, dystrophie musculaire. Didi élève seule, Gypsy. Deux vies cabossées. Le père, un alcoolique notoire, se répartit sans demander son reste. Alors, Didi devient un mère courage. Brèche en moi. Les riverains de Volunteer Way connaissent bien les Blanchard et leur joie contagieuse, malgré leur calvaire. La mère et la fille sont arrivées en 2005 dans le Missouri, après avoir fui la Louisiane et l'ouragan Katrina, qui a détruit leur petit appartement et tous leurs biens sur son passage. L'énorme dossier médical de Gypsy et son certificat de naissance compris. Il a donc fallu repartir de zéro, sur tous les points. En 2008, une association américaine construit gratuitement leur maison en bois rose. Les bénévoles fabriquent une rampe blanche à plusieurs niveaux pour le fauteuil de Gypsy. En juin 2008, elle et sa mère reçoivent une journaliste d'une chaîne locale et racontent comment cet élan de charité les a sauvés. Je me souviens que ma mère m'avait donné une maison miniature et m'avait dit « un jour, ce sera réel ». Et maintenant, ça l'est enfin. C'est si facile de vivre ici et c'est tellement paisible. On a un super jacuzzi pour que je puisse détendre mes muscles. Et on a une merveilleuse rampe. L'histoire de cette gamine malade à la voix de petite souris et de cette mère célibataire bouleverse la région. Alors, le Missouri veut aider cette petite famille. Elles sont invitées plusieurs fois par une association pour enfants malades à se rendre à Disney World. La gamine est accro au dessin animé de l'univers de Mickey. Elle se déguise d'ailleurs en permanence. Son costume préféré, celui de Cendrillon, avec en prime une perruque aux longs cheveux blonds et ondulés. Didi, elle, ne peut pas travailler tant, les soins pour sa fille lui dévorent tout son temps. Sur leur page Facebook commune, gérée par cette mère décidément admirable, les appels aux dons se multiplient. Mais ce 14 juin 2015 à 15h, un message posté sur cette page Facebook alerte les internautes qui suivent les aventures de cette famille pas comme les autres. Parmi eux, Kim, qui habite dans le même quartier. Depuis la sortie de terre de leur pavillon rose, elle partage souvent un café avec Didi Blanchard. Des moments de pause qui ne durent jamais bien longtemps, car la mère de Gypsy a toujours un traitement à faire prendre à sa fille ou un rendez-vous chez un spécialiste. Au fil des années, Kim en apprend un peu plus sur le lourd passé de Didi, son ex-mari, le père de Gypsy, accro aux drogues, la terreur de l'ouragan Katrina. Alors, quand elle tombe sur ces deux posts sur la page Facebook de la mère et de la fille, elle sent que quelque chose ne va pas. 14 juin 2015, 15h32. Cette chienne est morte. 14 juin 2015, 15h49. J'ai égorgé cette putain de grosse truie et violé sa douce et innocente fille. Son cri était tellement fort, putain. Lol. Mais enfin, que se passe-t-il? Je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. Ton compte Facebook s'est fait pirater ou quoi? Comme les autres internautes abonnés à la page de Gypsy et Didi, Kim s'inquiète. Alors elle appelle Didi, mais son portable sonne dans le vide. Son mari lui propose d'aller voir ce qui se trame au 2103 Volunty Way. Quand le couple arrive, des voisins agglutinés et inquiets se trouvent déjà devant la Maison Rose. Le van spécialement conçu pour le fauteuil de Gypsy est toujours là, garé dans l'allée. Impossible de distinguer quoi que ce soit à travers les fenêtres qui ont été recouvertes, il y a quelques années, par un film opaque. C'est que Didi ne rigole pas avec l'intimité. En tout cas, personne ne répond quand on frappe à la porte. Kim compose alors le 911, le numéro d'urgence de la police. Et elle explique à l'agent l'inquiétude du village, les posts Facebook énigmatiques, la petite fille malade, la voiture toujours là. Mais la police prend son temps. Alors le mari de Kim, l'ami de Didi, passe par le toit et arrive à entrer dans la Maison Rose. À l'intérieur, la clim marche à fond. Rien n'a été dérangé. Pas de signe évident de cambriolage. Les dizaines de pluches de Gypsy trônent dans le salon au mur magnolia. Les tableaux représentant la petite fille en princesse n'ont pas bougé. Les innombrables bouteilles de sirop et plaquettes de médicaments pour le traitement de Gypsy sont toujours dans la cuisine. Plus affolant encore, le fauteuil roulant de la petite, vide, trône dans la salle de bain bleue. Didi et Gypsy semblent s'être volatilisés. Où ont-elles pu aller sans voiture, sans chaise roulante, alors que la petite ne peut pas marcher? La police débarque à 22h45. Quelques heures plus tard, du ruban jaune entoure le petit pavillon rose. Le 2103 vient de devenir une scène de crime. Dans le lit de place où la mère et la fille dormaient, les agents du comté de Missouri découvrent en effet le corps imposant de Didi dissimulé sous une couverture. La quinquagénaire immobile, sur le ventre, le visage enfoui dans le matelas maculé de sang, a été tué de plusieurs coups de couteau dans le dos. Gypsy, elle, reste introuvable. Et si la personne qui avait publié le post Facebook avait tué la mère pour kidnapper la gamine et abuser d'elle? Alia Woodmansey, qui habite la maison d'en face avec sa mère, s'interroge. Elle pense pouvoir aider la police. Cette jeune blonde de 24 ans est devenue, au fil des années, une confidente de Rose, endossant le rôle de grande sœur. Gypsy s'était confiée à elle de sa voix stridente. Elle avait un copain depuis plusieurs années et entretenait avec lui une relation à distance grâce à un compte Facebook privé qu'elle cachait bien sûr à sa mère. Le couple de tourtereaux qui avait fait connaissance sur un site de rencontres chrétiens parlait mariage et enfants. Gypsy le décrivait auprès d'Aléa comme son prince charmant, les yeux ouverts comme des billes, plein d'étoiles. Aléa Woodmansey donne donc cette information à la police. Et 36 heures plus tard, le 16 juin 2015, devant son pupitre, le shérif de Springfield, grand bonhomme à moustache, lance sa conférence de presse. Ok, bonjour. Je voudrais spécifier pour commencer cette conférence de presse que l'enquête est en cours. Et je voudrais commencer en disant que la vérité n'est pas toujours ce qu'elle paraît être. Les deux messages Facebook ont été postés par Gypsy. Le procureur a ouvert les charges ce matin pour meurtre au premier degré. C'est un événement tragique, entouré de mystères. Gypsy peut marcher sans assistance ou fauteuil roulant et sans aucune difficulté. Nous n'avons pas encore pu confirmer l'âge de Gypsy. Nous ne connaissons pas le passé de cette famille, mais nous avons découvert leur arnaque financière. Oui, Gypsy Rose Blanchard a assassiné sa mère. Non, la petite gamine en fauteuil n'a aucun handicap. Alors que le visage du shérif et surtout le téléviseur de la région, un vent d'effroi glace les foyers du Missouri. Les voisins des Blanchards repensent alors à tous les dons, à l'aide des associations pour Gypsy Eddie. Mais enfin, que s'est-il passé pour que Gypsy tue sa propre mère? Qui sont vraiment ces deux femmes? Pour essayer de comprendre, il faut revenir deux décennies en arrière. Didi Blanchard naît Claudine Pitre en 1967. Avec ses quatre frères et sœurs, elle grandit dans la moiteur lourde du Bayou, en Louisiane. Chez les Pitre, on a l'accent dansant et nasal du sud des États-Unis. On n'a pas le sou, mais on s'en sort quand même. À 24 ans, Claudine, ou Didi pour les intimes, est infirmière. Elle rencontre Rod Blanchard, âgé de 17 ans. Il est encore au lycée. Elle tombe enceinte 4 mois plus tard. Rod a lui aussi la Louisiane dans le sang et dans cette Amérique prolétaire modelée par les traditions. Quand on attend un enfant, on se marie. Claudine Pitre change donc de patronyme et devient Claudine Blanchard. Le 27 juillet 1991, Didier Rod donne naissance à une petite fille en parfaite santé. Ils décident tous les deux qu'elle s'appellera Gypsy Rose. D'abord parce que sa mère adore le prénom Gypsy, et puis en hommage au groupe de rock dont l'ado Rod est fan à l'époque, les Guns N' Roses. Puis, Rod quitte Didi. Quant au problème de santé de Gypsy, ils auraient commencé dès ses 3 mois. La nuit, la petite étouffe. Malgré les tests passés à l'hôpital, sa mère en est persuadée, sa fille fait de l'apnée du sommeil. Elle dormira donc désormais avec un masque pour l'aider à respirer. Plus l'enfant grandit, plus les problèmes arrivent. Elle ne voit pas bien, elle n'entend rien. Sa mère l'atteste. Elle a une anomalie chromosomique et souffre d'une dystrophie musculaire. Ce mois-ci, c'est un nouveau spécialiste que la mère et la fille vont voir pour un nouveau traitement, une nouvelle pilule. Alors que Rod se remarie et devient père à 2 reprises... son ex-femme et sa fille se referment sur elles-mêmes et enchaînent les rendez-vous aux urgences pour le moindre rhume. Et si un médecin n'écoute pas les diagnostics de Didi, eh bien elle change de praticien. Et puis comme elle a été infirmière, elle connaît le jargon médical sur le bout des doigts. Alors, elle peut enfumer les blouses blanches qui ne vont pas lui mettre des bâtons dans les roues. Au contraire. Tiens, elle raconte par exemple à un docteur que Gypsy fait de l'épilepsie 2 fois par mois. Il ne vérifie pas et les traitements s'enchaînent. On lui met des tuyaux dans les oreilles pour éviter les otites qu'elle ne risque pas d'avoir, par exemple. En 1998, alors que Gypsy a 7 ou 8 ans, elle fait une chute et s'écorche les genoux. Les graténures, superficielles, provoquent la panique chez sa mère qui la met sur un fauteuil roulant. Elle n'a plus le droit de marcher et arrête l'école. Et ça continue. Gypsy se fait retirer les glandes salivaires, une opération chirurgicale lourde. Son corps ne lui appartient plus. Elle est également nourrie sous sonde, directement par sa mère, et ne mange pas de solide. Puis Didi rompt avec sa famille et déménage. La cause reste obscure. Des chèques en blanc issus des comptes de ses proches, des vols, Toujours est-il que la fille et la mère émigrent à Slidell, à 2 heures de route de la Nouvelle-Orléans, dans un HLM. Le cyclone Katrina aux États-Unis, dans les États du sud du pays, on commence à peine à réaliser l'étendue du chaos en Louisiane, mais aussi dans le Mississippi, en Alabama, les dégâts sont énormes, le bilan s'aggrave d'heure en heure, il pourrait dépasser les 100 morts. Gilles Marie. L'eau est montée si vite que cet automobiliste n'a pas réalisé qu'il fonçait sur un lac. Il s'en sortira. D'autres seront sauvés par des pompiers déposés sur les toits. Les quartiers est de la Nouvelle-Orléans. Le 23 août 2005, l'ouragan Katrina, le sixième le plus puissant enregistré au monde, provoque la mort de plus de 1836 personnes. L'appartement de Didier et de sa fille est ravagé par le vent et l'eau. Il n'y a plus d'électricité dans la région. Le duo trouve refuge auprès d'une organisation de la ville de Covington, en Louisiane, photo de leur foyer ravagé en guise de preuve. Et elles n'ont plus rien quand on leur propose de s'installer dans le Missouri en septembre 2005. Elles louent d'abord une maison dans la ville d'Aurora, puis en mars 2008, leur bicoque de conte de fées est construite gratuitement par une association. Chaque mois, le père de Gypsy, qui ne voit plus sa fille, continue à envoyer 1 200 $ de pension. Il essaie bien de la voir de temps en temps au téléphone, mais en vain. En 2009, par exemple, il souhaite fêter son 18e anniversaire de vive voix et lui lancer quelques blagues pour célébrer son entrée dans l'âge adulte. Mais Didier intercepte le coup de fil et lui explique que sa fille croit toujours qu'elle a 14 ans et qu'il ne faut surtout pas la perturber. Dès que Gypsy sort de la maison sur son fauteuil, Didi intervient, toujours là. En 2009, elles sont invitées pour une cérémonie organisée par la mairie de Springfield. Gypsy insère tête à nœud vissée sur son crâne nu, ses énormes lunettes et ses dents de travers, arrive sur son fauteuil roulant sur scène dans une robe bleue à faux fous serrant dans ses bras une peluche. Sa mère, Didi, se tient à ses côtés. La première chante alors Angels Among Us d'Alabama devant un public admiratif. Dans la foulée, sa mère prend la parole et dit « Tu es la raison pour laquelle je suis né. Je suis né pour être ta mère », explique sur scène Didi Blanchard. Mais plus les années passent, plus Gypsy grandit et se rend compte qu'elle est prisonnière en vérité et que sa mère n'est autre qu'une geôlière. Ça devait arriver. Déjà, Gypsy peut marcher. Quand elle est seule avec sa mère, elle se lève à l'abri des regards derrière les fenêtres de sa maison recouverte de plastique opaque. Que ce soit clair, si je puis dire, Didi lui interdit de se tenir sur ses deux jambes en public. Gypsy sait aussi qu'elle peut manger par elle-même sans la sonde qui lui troue l'estomac. Son crâne, c'est sa mère qui tient à le raser régulièrement. Parce que ses cheveux chuteraient à cause des traitements, alors autant prendre les devants, martèle son bourreau. Le seul mal que Gypsy ressent vraiment, ce sont les douleurs dentaires. Oui, à force de traitements non adéquats et de malnutrition, un dentiste a dû les lui extraire pour les remplacer par un bridge. Gypsy ne comprend pas non plus pourquoi sa mère s'obstine à dire qu'elle est née en 1995, alors qu'elle se souvient avoir vu la date 1991 sur des documents administratifs. Couper du monde, sous emprise, difficile de se soulever contre celle qui vous élève seule et qui a consacré sa vie à vous guérir ou à faire semblant. Alors, Gypsy met son costume de gentille petite fille malade pour lui faire plaisir. Ce qui est certain, c'est qu'une maladie ronge la petite maison rose. Didi Blanchard est atteinte du syndrome de Munchausen par procuration. You knocked on my door. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Le syndrome de Munchausen, fascinant dans ce qu'il dit de la complexité de l'âme humaine, a été théorisé par le psychiatre britannique Richard Astor en 1951. Le patient qui en souffre a besoin de simuler une maladie ou un traumatisme pour attirer l'attention, la compassion. En 1971, un autre psy, Roy Meadow, identifie le syndrome de Munchausen par procuration comme un trouble induit par le parent. Ici, Didi Blanchard. L'enfant est alors présenté avec persistance au médecin de toute spécialité pour des soins, des examens, des explorations médico-chirurgicales répétées et des traitements inutiles, voire dangereux. Et c'est bien le cas de la pauvre Gypsy Rose. Son dossier médical n'a pas survécu à l'ouragan Katrina, on l'a vu, mais les bilans de certains spécialistes, si. En 2001, les médecins de l'hôpital universitaire de Tulane testent Gypsy pour sa dystrophie musculaire. Résultat négatif. Aucune anomalie côté cerveau et colonne vertébrale non plus. Gypsy est valide, elle est en parfaite santé. Mais dans le Missouri, aucun médecin ne vérifie, on l'a vu également, parce que tous croient cette mère épuisée qui sacrifie tout pour sa gamine. Comment pourrait-elle mentir? En 2007 cependant, un pédiatre neurologue, Bernardo Flasterstein, commence à trouver Didi Blanchard plutôt louche. La journaliste américaine Michael Dean raconte dans un article pour le média BuzzFeed les suspicions de ce médecin. Dans ses notes, après la première visite médicale, il a écrit en gras: la mère n'est pas une bonne historienne. Il a penché pour le bénéfice du doute et a envoyé Gypsy faire tous les tests habituels, les IRM et les analyses de sang. Tout est revenu normal. Je me souviens de l'avoir fait se lever, m'a-t-il dit, et elle pouvait supporter son propre poids. Entre ses visites avec Gypsy, Flasterstein a retrouvé un médecin qui avait vu Gypsy à la Nouvelle-Orléans. Ce médecin lui a dit que la biopsie musculaire avait été négative pour la dystrophie musculaire et que l'ancien neurologue de Gypsy l'avait expliqué à Didi. Lorsqu'elle a été confrontée au problème, Didi a simplement cessé de voir ses médecins de la Nouvelle-Orléans. En analysant tous les faits et après avoir parlé à son ancien pédiatre, a écrit Flasterstein dans le dossier, il y a une forte possibilité de Munchausen par procuration, avec peut-être une étiologie inconnue sous-jacente pour expliquer ses symptômes. Didi a cessé de le voir après cette visite. Enfermée dans sa maison à la décoration digne d'un dessin animé, Gypsy étouffe. À 19 ans, en 2010, elle en prend conscience en voyant un Disney qui vient de sortir en salle. Et il y a de quoi. La jeune princesse à la chevelure blonde et interminable est enfermée dans une tour par une sorcière qui l'a enlevée et se prend pour sa mère. L'héroïne n'a qu'une envie, voir le monde qu'elle peut seulement observer depuis sa fenêtre. Alors pour s'évader, ne serait-ce que virtuellement, Gypsy commence à surfer sur Internet pendant que sa mère dort. Privée d'école, sans cesse chaperonnée, sur YouTube, Facebook, elle découvre qu'elle ne mène pas la vie d'une jeune femme de 19 ans et elle se met à rêver au petit copain idéal. Et c'est à cet âge-là qu'elle tente de fuguer. Une fois, pendant une convention de science-fiction, elle rencontre un homme de 35 ans avec qui elle échange en secret par message. Un soir, elle le retrouve dans sa chambre d'hôtel. Didi arrive à retrouver le couple clandestin et en un claquement de doigts, furieuse, va chercher sa fille. Elle montre même à l'homme en question de faux papiers, indiquant que Gypsy est mineure. De retour dans la maison, Didi s'arme d'un marteau et défonce l'ordinateur portable de sa fille, qu'elle ne devra utiliser désormais que sous sa surveillance. Elle attache ensuite sa Gypsy pendant 2 semaines à son lit. La maison colorée devient une prison. Mais la nuit, quand Didi dort à point fermé, Gypsy continue d'aller sur Internet. Accro, attiré par le monde, normal. Des minutes de liberté qui valent toutes les punitions du monde. Le 9 octobre 2011, sur un site de rencontre chrétien, elle commence à communiquer avec un certain Nicholas Godjohn, un jeune homme d'à peu près son âge qui habite avec ses parents dans le Wisconsin à Big Bend. Un coup de foudre 2.0. Je suis un peu gênée, c'est ma première fois sur un site de rencontre en ligne. Mais j'ai pensé que ce serait sympa de rencontrer des nouvelles personnes et peut-être aussi y trouver l'amour. Si je pouvais, je sortirais avec toi. Tu as beaucoup de points communs avec moi. Je serais bénie d'avoir la possibilité d'être avec une beauté comme toi. Tu as véritablement une beauté intérieure. Je peux sentir à quel point tu es pure à l'intérieur. Alors, elle lui raconte les tortures, l'emprise, le fauteuil roulant dont elle n'a pas besoin, les médicaments, son irrépressible envie de liberté. Et lui ne cache pas qu'il est en proie à des troubles dissociatifs de l'identité. Le couple a des discussions de plus en plus intimes. Nicholas a un penchant pour le BDSM. Il essaie de convertir Gypsy, qui se prête au jeu, revêtant parfois des déguisements pour pimenter leurs échanges par webcam interposée. Le couple parle mariage, enfant, vie à deux. Mais Gypsy Rose reste sous l'emprise de sa mère, son bourreau. Sur son profil Facebook, elle raconte à quel point elle est amoureuse. Nicolas et moi avons eu une dispute. Et j'ai eu l'impression que nous étions en train de nous séparer. Nous nous sommes rencontrés il y a 1 an et on ne s'est pas quittés depuis. Nous avons toujours été attirés comme des aimants. Et notre amour a pu prendre des contours malsains, car nous avons tous les deux perdu pas mal de sommeil à force de rester éveillés toute la nuit pour discuter, ou à force de pleurer si fort quand nous nous disputions. Nous pourrions mourir, tuer, faire n'importe quoi pour l'autre. Il est la seule personne à qui j'ai dit tous mes secrets. Il connaît mes espoirs et mes souhaits. Il me fait me sentir vivante. Certains diront que je suis trop jeune pour savoir ce qu'est le vrai amour. Mais ils ont tort. En mars 2015, après 3 ans de relation à distance, le couple parvient à orchestrer une rencontre dans un cinéma de Springfield pour la sortie de l'adaptation au film de Cendrillon par Disney. Gypsy paye le billet d'autocar de Nicholas pour qu'il vienne jusque dans le Missouri. Parce qu'elle croit dur comme fer. Que comme dans les films romantiques, en voyant son prince charmant, sa mère ne pourra qu'accepter cet amour interdit. Mais c'est un échec cuisant. Dans le cinéma, Didi ne comprend pas pourquoi ce type effrayant veut leur parler. Oui, avec sa frange très courte, son sourire figé et son teint cireux, il ne lui inspire rien de bon. Il a une tête de tueur, expliquera-t-elle à Gypsy. Alors, avec sa fille, elle s'installe loin de lui, face au grand écran. Au début de la projection, Gypsy prétexte un passage express aux toilettes auprès de sa mère et parvient à quitter la salle de cinéma sur son fauteuil roulant. Didi la laisse s'y rendre seule. le couple parvient à se retrouver en douce et à avoir sa première relation sexuelle dans les toilettes. Pour vivre pleinement leur conte de fées, si l'on peut dire, Gypsy et Nicholas font face à un obstacle, Didi Blanchard. Alors, au fil des échanges en ligne, un projet macabre se dessine entre Nicholas et Gypsy, éliminer la sorcière du conte, tuer Claudine Blanchard. En juin 2015, Godjohn revient à Springfield et loue une chambre dans un hôtel miteux. Le plan est simple, limpide. Pendant que sa mère dormira, Gypsy se lèvera pour accueillir Nicholas, qui ira dans la chambre à coucher se débarrasser de Didi. Bébé, c'est mon côté diabolique qui va faire ça. Et il ne va pas merder parce qu'il prend du plaisir à tuer. Nous serons heureux bientôt. Après cette nuit, nous n'aborderons plus jamais ce sujet. J'ai laissé les gants devant la porte d'entrée. La moustiquaire grince, donc essaye de l'ouvrir juste assez pour entrer dans la maison et referme-la gentiment. Je te donnerai le ruban adhésif et le couteau à l'intérieur, darling. Je fais mes ongles. Je les vernis en rose sombre. Je suis là, alors bouge ton cul et ouvre la porte. Oui, monsieur. J'y vais, monsieur. Cette nuit-là, après avoir ouvert la porte à son amoureux, laissant son fauteuil roulant dans le salon, Gypsy se réfugie dans la salle de bain et ferme la porte. Elle colle ses mains sur ses oreilles pour ne pas entendre les cris de sa mère dans la chambre. Sous les coups de couteau, Didi hurle en effet, appelle sa fille chérie. Après quelques minutes, Nicholas entre dans la salle de bain, se nettoie les mains, enlève ses gants, stoïque. Gypsy, elle, a tout prévu. Elle a rassemblé quelques affaires dans une valise. Le couple appelle un taxi et quitte la maison rose en silence. Les deux souhaitent rejoindre la maison familiale de Nicholas à Big Bend. Se la jouant en Bonnie and Clyde pour se débarrasser de l'arme du crime, il glisse le couteau dans une large enveloppe matelassée et la poste avec le nom et l'adresse de Nicholas. Ainsi, ils n'auront pas à voyager avec jusqu'à Big Bend. Mais plus les jours passent, plus Gypsy s'inquiète. Et si personne ne retrouvait le corps de sa mère? Et si son cadavre pourrissait? Arrivé chez les parents de Nicholas, qui ne se doutent de rien évidemment quand leur fils leur présente sa nouvelle petite amie, le couple décide de poster un statut Facebook énigmatique et pour alerter les voisins. Il est 15h32, ce 15 juin 2015, quand Gypsy Rose Blanchard et Nicholas Godjohn publient deux messages qui disent « Cette chienne est morte ». Mais ces Bonnie and Clyde de circonstances et de pacotille ont oublié de désactiver la localisation. L'adresse IP de leur ordinateur reste visible. Quelques heures plus tard, le SWAT, unité spéciale de la police, armée jusqu'aux dents, entoure la maison des Godjohn. Gypsy et Nicholas sont arrêtés pour assassinat. Pendant que les proches des Blanchard sont prévenus que Gypsy peut marcher et qu'elle est en vérité en bonne santé, le couple est questionné séparément par les enquêteurs. Il est presque 23h. Godjohn avoue tout, le meurtre, la préparation. De ce côté, Gypsy se réchauffe dans un plaid, serrant dans ses bras une peluche. Et de sa voix enfantine, elle fait comme si de rien n'était, jusqu'à ce que l'enquêteur la confonde. Tu sais exactement ce qui s'est passé avec ta mère. Et tu sais pourquoi il a fait ça. C'est parce qu'il me voulait pour lui tout seul. Parce que ma mère se mettait entre nous. Il ne voulait pas qu'on soit ensemble. Elle ne l'aimait pas. Elle ne voulait pas que sa petite fille grandisse. Elle ne voulait pas que son bébé s'en aille, n'est-ce pas? Elle m'expliquait qu'il dégageait quelque chose de dangereux. Elle m'a dit qu'il ressemblait à quelqu'un qui cachait des choses, qu'il pourrait tuer, qu'il ressemblait à un meurtrier. Ta maman avait raison. Tu sais qu'elle avait raison. Tu sais qu'elle avait raison quand elle a dit ça. Le Le 5 juillet 2015, Gypsy Rose plaide coupable pour l'assassinat de sa mère, Didi Blanchard. Son père l'aide à assurer sa défense. Il a renoué avec sa fille, convoquant des experts psy, racontant comment son ex-épouse lui a menti à son sujet en le coupant de son propre enfant. Elle est condamnée à 10 ans de prison. Nicholas, lui, prend perpétuité. En 2018, lors d'une interview, Gypsy déclare « J'ai l'impression d'être plus libre en prison que quand je vivais avec ma mère. Parce que désormais, j'ai le droit de vivre comme une femme normale. » France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Didi Blanchard et de sa fille dont nous allons parler avec notre invitée Hélène Romano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Lyon, vous êtes psychologue et docteur en psychopathologie. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur l'origine du syndrome de Munchausen. D'abord, pourquoi porte-t-il ce nom ? Alors, en référence à un mercenaire, officiellement mercenaire russe, qui s'appelait Karl Friedrich Munchausen. Von Munchausen, qui était très connu pour inventer des histoires, en particulier sur ses blessures. Mmh. Et c'est pour ça qu'en 51, un psychiatre, Richard Astor, comme vous l'avez rappelé, a utilisé ce nom-là pour faire référence à des patients qui s'inventaient des maladies qui étaient totalement factices. Les barons de Munchausen. Barons de Munchausen. Voilà. Que signifie exactement, alors, parce qu'on dit syndrome de Munchausen, par procuration, ou SMPP? Alors c'est différent, le syndrome de Munchausen, c'est la personne qui induit sur son corps propre les troubles, et le syndrome de Munchausen par procuration, SMPP, c'est une personne qui va induire, souvent un adulte, qui va induire sur un enfant, mais là aussi sur des personnes âgées, ce qui est souvent moins décrit, des troubles, et on le voit avec l'histoire que vous venez de raconter, ah oui, ça colle parfaitement. De façon extrêmement, extrêmement variable. On induit sur l'autre, sur un tiers, pas sur soi, mais souvent pour qu'on prenne soin de soi. On a des chiffres sur ce syndrome, je veux dire, est-ce que c'est une maladie rare, extrêmement rare ou pas si rare? C'est considéré comme très rare, il n'y a pas d'études de prévalence précise. Alors dans les quelques pédopsychiatres qui ont essayé de faire des études, on considère 0,3, 0,20 pour 100 000, donc c'est extrêmement rare. La grande difficulté, c'est que ne sont recensés que les cas que l'on repère. Et comme dans l'affaire de Didier, on se rend compte à quel point c'est compliqué pour les professionnels, donc on passe très probablement à côté d'un très grand nombre de situations. Alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, considérait environ 300 cas par an sur l'ensemble du monde. Il faut être extrêmement prudent avec les chiffres. Et oui, parce que ça se passe dans l'intimité de la vie familiale, souvent, et on sait que la force publique a toujours un peu mal à entrer dans l'intimité d'une vie familiale, donc ça veut dire que ça peut être caché, qu'il peut y avoir des victimes, et que ça peut être long, voire un martyr très long, comme ce qu'a vécu la petite Gypsy. Tout à fait, il y a un certain nombre de situations, entre autres sur des décès de bébés, où on suppose qu'il y a peut-être eu Munchausen par procuration en refaisant l'histoire de l'enfant décédé. La grande difficulté, c'est que les victimes sont souvent des tout petits, ne parlent pas. Bon là, elle était adulte quand elle a tué sa mère, mais très souvent, la plupart des enfants considérés victimes sont bébés. C'est souvent commis par des mères et des soignants. Donc quand vous avez un collègue qui vient vous voir avec son enfant qui ne parle pas pour vous dire qu'il a tel ou tel type de trouble, la plupart des professionnels de santé vont croire le parent, ne pas remettre en cause ce qu'il dit, parce que c'est un collègue. Donc il y a une identification projective très forte des professionnels de santé à l'égard des parents qui très souvent sont des soignants. Et la mère était, sauf erreur, infirmière. C'est ça, exactement, elle connaissait le jargon. Tout à fait. Elle pouvait manipuler les médecins. Quelle catégorie de la population ce syndrome touche-t-il majoritairement, si tant est qu'on puisse faire une classification sociologique? Essentiellement des enfants, des bébés, en termes de victimes. Au niveau des auteurs, dans les rares études que l'on peut avoir, on retrouve toutes catégories socio-professionnelles, mais peut-être des catégories socio-professionnelles supérieures, entre guillemets, au sens où les auteurs ont la capacité d'avoir un bon langage, de bien connaître les analyses, de bien connaître le côté médical. C'est pour ça que souvent ils sont soignants, donc ils ont fait des études. Et surtout de passer entre les gouttes, j'allais dire, entre les mailles du système, et on le voit parfaitement dans l'exemple que vous avez cité. Dès que ça commence à devenir un petit peu inquiétant, à des doutes, hop, on part, on change. Donc c'est quand même des personnes intelligentes qui ont la capacité à pouvoir aller trouver d'autres interlocuteurs. Leur discernement est total, en fait. Alors, en expertise, c'est un vrai problème. C'est ça, c'est toute la difficulté, elle est là, c'est que selon les auteurs, c'est extrêmement complexe, chacun est différent. Mmh. On a des personnes comme possiblement la mère de Didi Blanchard, Didi Blanchard, mais elle est décédée, donc c'est un peu compliqué, c'est juste en rétrospective qu'on peut faire l'évaluation, qui semblait être prise dans une conviction délirante que sa fille était réellement malade, que les médecins comprenaient pas, et que d'ailleurs c'était pour ça qu'il fallait qu'elle soit soignée, puis au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose de totalement maltraitant. Au début, c'est une inquiétude, et puis après, l'inquiétude devient de la maltraitance avec des passages à l'acte sur le corps de l'enfant, et on voit bien comment ça glisse avec, en parallèle, l'isolement de la famille, les fenêtres qui sont occultées, le fait que la famille s'isole. Ça, c'est quelque chose qu'on va très souvent retrouver. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de motivation sociale? Est-ce qu'elle ne faisait pas ça pour attirer l'attention, la compassion? C'était vraiment par rapport à ce qu'elle pensait être au fond d'elle-même? Alors c'est plus une motivation, à dire, narcissique. Très souvent chez les parents, les mères, les Munchausen par procuration, on a des gens très carencés narcissiquement, c'est-à-dire une très faible estime d'eux-mêmes, besoin d'être rassurés, de besoin qu'on fasse attention à eux. Certaines études disent que 30 à 40% ont été Munchausen par eux-mêmes, des anciens enfants malades par exemple, ou malmenés ou maltraités. Il y a des failles au niveau de l'identité, de la personnalité. Et l'enfant qui naît n'est qu'un support, il n'est pas considéré comme sujet, il n'y a pas d'altérité, il n'est pas considéré comme un enfant, c'est juste un support pour pouvoir exprimer sa propre douleur et qu'on la prenne en charge. Ça sert juste d'exécutoire aux parents maltraitants. Donc elle ne faisait pas ça pour l'argent non plus, parce qu'après tout, on leur a construit une maison gratuitement. Ça aurait pu être une arnaque, hein. Quelque chose de ce style-là. Très juste, ça fait partie des analyses souvent différentielles pour voir est-ce que c'est un vrai problème psychiatrique, parce que dans la nomenclature internationale, c'est considéré comme un trouble factice, un trouble psychiatrique, ou est-ce que c'est une arnaque économique. Là, on voit bien qu'il y avait un problème psychopathologique de la mère, qui a induit bien des troubles chez la fille, et qu'on est bien au-delà de la question de l'aide financière. Au tout départ, il n'y avait pas cet enjeu-là. Hélène Romano, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Florent Marché qui nous chante, et ce de circonstances, en famille. Jour de fête, Montargis, quelques heures un samedi, on aura beau chanter. On est aveugle et sourd, on avance à pas lourd sur un terrain miné. En famille, en famille. Comme c'était joué d'avance, ton frère a moins de chance, et puis chacun sa place. Dès la première bouteille, il fait rarement soleil, on s'embrasse, on s'agace. En famille, en famille, en famille, en famille. On se manque, on s'éloigne, on s'accuse, on s'empoigne, au mieux on fait semblant. Dans le train régional, on est bien matinal, on reste pas longtemps. En famille, 40 ans les calmants et des heures de divan, se sentir écrasé. 18 ans sur le ring, cheveux bleus et piercing, on fait rien à moitié. En famille, de réveillons gâchés, jamais rien qui éclate. Parfois désobéir, j'ai quelque chose à vous dire. On est rouge écarlate en famille. Florent Marché, en famille, parfois, enfin souvent, la famille protège, parfois la famille martyrise. C'est le cas de la petite Gypsy. Hélène Romano, je rappelle que vous êtes docteur en psychopathologie, que vous pouvez donc répondre à cette question sans trahir le secret médical, bien sûr. Avez-vous été confronté vous-même à des patients qui étaient victimes de ce syndrome de Munchausen par procuration? Et si oui, dans quel contexte? Oui, en 30 ans, une fois, une petite fille qui est hospitalisée régulièrement de 3 à 6 mois et avec du sang dans la couche, la mère était médecin pédiatre dans le service et c'est pour ça aussi que ça pose beaucoup de problèmes dans la reconnaissance par les professionnels de santé. Il a fallu qu'on hospitalise l'enfant, qu'il y ait des analyses de fait pour qu'on constate que le sang dans la couche, après multi-examens faits à cette petite fille, était le sang des règles de la mère. Donc ça fait vraiment partie de situations qui sont marquantes. Parce que ça induit du côté des professionnels de santé une très forte culpabilité à pas avoir vu des choses qui auraient pu paraître évidentes, mais ces parents-là ont une capacité de conviction extrêmement forte parce qu'ils connaissent le système médical, le milieu médical, les symptômes, et ils créent de la confusion du côté des professionnels. Et une des stratégies pour opérer, c'est d'isoler l'enfant en l'hospitalisant et de voir sans contact avec le parent ce qu'il en est des troubles. Et très souvent, on va constater qu'il n'y a pas de troubles. Alors comment on soigne ce syndrome? Comment peut-on aider les gens qui en sont victimes à se reconstruire? Alors beaucoup de temps, énormément de temps, tout dépendra aussi de la durée. C'est certain qu'un enfant qui est repéré à 6 mois, c'est pas pareil que cette jeune fille qui à 19-20 ans va être condamnée, emprisonnée et être repérée. Il faut essayer de permettre à cet enfant de restaurer son unité, son altérité, à être respecté soi-même et à retrouver l'intimité, son propre corps. Il y a énormément de travail thérapeutique au niveau du corporel, parce que souvent c'est des enfants qui n'existent pas. Encore une fois, ça a duré quelques mois, ça a duré des années, c'est pas les mêmes dégâts. On voit bien que pour Gypsy, il y a aussi toute la question de la scolarité, de l'apprentissage, encore un autre travail, mais au niveau psychothérapeutique, ça leur permet de redevenir sujet de leur histoire et de donner du sens, comprendre pourquoi. Et dans certains cas, pas tous, ça dépendra vraiment des situations. Il peut y avoir d'envisager une thérapie familiale avec énormément de précautions, parce qu'il y a ce que vous avez bien décrit dans la situation décrite, présentée, c'est le contexte d'emprise. Donc en situation de thérapie familiale, s'il y a encore l'emprise psychique, on mettra pas en contact l'enfant avec le parent maltraitant. C'est de la maltraitance, hein, le Munchausen par procuration. Donc à chaque cas, on va s'adapter. L'idée étant de permettre à l'enfant victime de redevenir sujet ou de devenir sujet et de donner du sens à son histoire pour en faire un récit. Alors, j'imagine qu'il arrive un moment où ça ne fonctionne plus quand la personne devient adulte, et c'est d'ailleurs le cas de Gypsy. Elle prend conscience, oui. Elle a envie de vivre, donc forcément, le temps est un élément de solution, j'imagine. Le temps est un élément de solution pour les enfants qui survivent. On a une hypothèse qu'un certain nombre de décès d'enfants très précoces de bébés sont liés à ce type de syndrome de Munchausen par procuration. Il y a eu quelques cas d'adultes qui ont expliqué avoir subi, alors là ça a été Gypsy, c'était vraiment à l'extrême, les maltraitances d'un ou de leurs parents. Mais ça reste assez rare d'arriver à l'âge adulte. Malheureusement, souvent il y a probablement des décès ou des placements d'enfants pour les protéger. Est-ce que l'histoire qu'on vient de raconter de Lily Blanchard, de sa fille, est un cas d'école pour vous? Est-ce que c'est un cas dont vous parlez beaucoup, que vous étudiez avec vos consoeurs et vos confrères? C'est un cas connu, c'est un cas extrême. Nous, on travaille bien évidemment sur ce cas-là, mais aussi sur d'autres cas qui peuvent peut-être faire beaucoup moins de bruit, qui concernent encore une fois des tout-petits qui ne parlent pas. L'objectif, c'est de repérer le plus précocement possible ce syndrome de Munchausen par procuration, en formant les professionnels, en formant tous les professionnels de santé, mais également les professionnels de crèche, par rapport à ces situations de parents qui vont être dans du nomadisme médical, qui vont changer d'un médecin d'interlocuteur, d'enfants qui ont des troubles qui sont pas confirmés. Donc on essaie de former beaucoup les professionnels et d'intervenir au plus tôt, au plus près, pour éviter des séquelles dramatiques et traumatiques pour les enfants victimes. Alors, on sera ma dernière question. On parle de personnes qui ne sont pas autonomes, des petits enfants. Et est-ce qu'on voit ce syndrome avec des personnes qui auraient en charge, alors des vieilles personnes, des parents? Est-ce que ça peut exister? Ça a déjà existé? Alors, ça n'est pas écrit dans les études. Par contre, dans les prises en charge aux urgences, on a des cas de situations de personnes âgées qui arrivent avec des troubles pas possibles, des proches qui disent, voilà, il a tel ou tel type de trouble, avec une conviction souvent chez des aidants qui sont épuisés psychiquement. Et quand on fait des analyses de sang, on se rend compte que le papy-mamie, il est chargé de médicaments divers et variés pour lesquels il n'y a pas de prescription. Donc, les troubles sont liés à ça. Mais le problème du Munchausen par procuration, c'est qu'il n'a pas notion, il n'y a pas une intentionnalité malveillante dans la plupart des cas, et il y a un véritable déni quand on leur dit, mais vous avez donné les médicaments, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Non, je n'ai pas fait. Authentiquement, je n'ai pas fait. C'est pas, je vais donner des médicaments à mon enfant pour l'agresser la nuit, c'est je lui donne pour qu'il soit malade, mais je ne me rends pas compte que je lui ai donné. Bien, merci infiniment Hélène Romano pour ces éclairages. Nous en avions besoin pour aborder cette question complexe, évidemment. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Didier et Gypsy Rose, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.